Bon, la personne qui s'attaque à la pensée s'attaque à la source de tout ce qui est passé. La personne qui s'attaque à la pensée s'attaque à la souffrance de la pensée. Regardez vos souffrances. Fait quand tu vois, là, puis tu souffres, là, parce que, là, tu mangeais ton canard de crème glacée, là, dans les airs, là, puis tu souffres, puis ça te manque, coupe-toi. Tu souffres, là, là, quand tu devais manger la crème glacée dans les airs au Sénèque, là. T'as niaisé, mais c'est fini, cette affaire-là. C'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Ah, non, ça revient, puis l'année, il va être sa job, puis il va voir encore le crise de canard de crème glacée. Il y a un bout de calice. Lâche-le, le carré de crème d'acier. Fait que ça te fait souffrir. Ouais. Fait que si tu le coupes, tu coupes la souffrance, ça, c'est être intelligent. Parler des égrégores. Il y a du monde qui se dorlote là-dedans. T'es rendu à 50, 60, 65 ans, là, quand ils ont perdu le mari, puis ils ont perdu la famille, papapap, là, surtout quand la femme, il y a 50, 65 ans, là, a perdu son mari, là. Là, ils revivent dans le passé. Au lieu de connecter avec du monde qui sont jeunes, qui sont de son âge, puis se faire un autre chum. Tu te fais un autre chum en 65 ans, c'est pas fini. C'est plein de vieux de 65 ans qui veulent rencontrer des vieilles de 65 ans. Non, c'est ça, ça fait là. Ben non, là, marmonne à ses enfants, puis elle va dire, ah ben mon, ton père, là, c'était le meilleur que j'ai eu, puis il n'y en aura pas d'autre de même, là. Puis là, ça a fleur niche, là, tu sais. Ne pas d'autre de même. Il est à bon, il est à petit bon ton père. Ou je peux pas me trouver un autre homme, qu'est-ce que les enfants vont dire? Qui mange la merde des enfants, calice? Bonjour.